Leson toa, an pase a tab. Ki sa nou pral manje? Dialog. Filip ap pale ak yon Ameriken yorele Jenny ka fe rechèche sou kuisine Haitienne. La pose Filip kek kesyon sou fason moun an Haiti manje. Koute konversasyon an. Kamo ye Filip? Estre ou ki tan jodi a pou pale sou koze manje Haitien an? Men oui Jenny. Ou met pose m tout kesyon ou vle. Eske ou ka dim ki sa isi kon manje nan maten an general? Si yo gen la jan, nan maten a isi manje banan ak ze fri, omlet ak pen, mayi moulen ak zaboka, kon flex ak let, epi ak asan ak pen. Ki bwa son yo kon bwe? Yo kon bwe kafe ou swate? Pi fwa a isi reme bwe kafe le maten. Yo kon melange kafe ya ak let. Gen moun ki bwe te, jiz orange, limonade la triye. E a midi, sa moun yo manje? Yo di ma Haitien reme diri. Eske se vre? Se vre we? Haitien manje diri an pil we? Gen moun ki kout diri kole ak poa, gen lot ki fe diri blan ak sos poa. E pi gen lot ki manje diri ak legim. Se diri selman ou manje kom dine? Non jenny. Dîner c'est repas qui pi important dans journée. C'est là ça moun yo manje vente de boutonné. D'abord, moun yo manje salade ak banane, ensuite yo manje diri ou soit maïs ak viande ou bien poisson, après yo manje dessert tant coupé patate ou soit salade fruit. Et qui boisson qui kon gen sou table les moun yo ap dîner? Gen moun ki kon boire cola ou soit coca. Mais pi fò moun remè bwè jus fruit tan kou jus orange, chadèk, kòsòl, kachima, citron et la triye. Ki lòt repas moun yo pran apre dine a? Versè kè kon sa, moun kò bon yo kon pran sa yo rele goûte. Mais pi fò ayisyen se 3 repas yo pran pa jou. Apre dine se soupe, moun yo kon pran. Ki sa vle di pa moun kò bon? M pa konprann ekspresyon sa. Moun ko bon, se yon ekspresyon nou itilize pou pale de boujwa ou bien moun ki gen l'ajan. Moun sa yo gen tendans manje tan kou blan franse. Ah, m konprann. Men ki sa moun yo manje kom soupe? Kom soupe, moun yo pa manje an pil. Gen sak pran chokola ak pen, gen lot ki pran la bouyi. Gran moun yo remen bwè te kanèl ou bien te fey kòsòl. Avant y al kouche pou yo ka bien dormi. Merci an pil Philippe. M kontan paske ou bon bonje informasyon. Au revoir. Koute epi repete mo sa yo ki gen LM, LS ak LT la dan yo. LM, almanak, kalm, kalma, kalman, kalmason. Calmer, calmi, malmachoa, malmacac, malman, malmanger, malmené, malmouton. LS, alcis, malsain, malcité, malsoin, vals, valsé. LT, alté, altercation, alternaté, alternatif. Altitude, alto, belté, palto, salté, saltimbanque. Yon ti dikte. Koute epi ekri fraz sa yo ki gen LM, LS ak LT la dan yo. Li rete bien kalm deye pot chanm nan pou tan defi a ka fe alsis. Mal mouton ak mal machwa, se menman pareyman. Veterinèya ba mal soumen kalman pou kalmil. Ti moun yo an mal makak paske yo ap mal manje. Moun gwo palto yo monte an altitude pou al valse. André fe altercation ak Joseph. Paske l tap itilize al tel li yo. Salte bank sa yo toujou ap fe bagay malsen. Moun ki nan mal site toujou ap mal mene. Li chita bien kalm pou gade almanak la. Se salte yo ki mete alternate ya an pan. Resep la bouyi banan. Ingredient ou bezwen. Pou fè la bouyi banan pou 4 moun, ou bezwen yon gren banan bien vèt. Dego bwat let evapore, yon kep let kokoye, yon versik, yon pense sel, yon tikiye kanel, yon tikiye miskad, yon tikiye esans vanil, ak yon tize citron pou bay la bouyi a bon goût. Resèt la. Premier bagay ou fè, le wap fè la bouyi banan, se blende ou so ak graje banan nan. Ou ka blende banan nan ak yon nan boat let yo. Le ou fin blende ou so ak graje banan nan, mette l bouyi ak res let la, epi ak tout res ingredient yo, eksepte esans vanil la ak zes citron wan. Kite banan nan bouyi si yon di fe mwayen, pendant 15 a 20 minit jouk li vin epè. Fòk ou brase la bouyi a souvan pou banan nan pa kole epi boule an ba bom nan. Le ou e banan nan kwit, ajoute esans vanila ak zes citron an. Fè men di fe a, epi kite la bouyi a fret avan ou servil. La bouyi banan ka servi a pen pou soupe. Leson 4 nan restoran. Ki sa nan komande pou desè? Dialog. Jenny yon Ameriken ak Marily John al manje nan restoran Che Gera nan Petionville. Yap komande manje ak boason. Koute konversasyon an. Bonsoir mesye. Bonsoir madame. Eske nan pran yon aperitif avan nan komande? Mary, nan pran yon boutel di vin blanc. Ki odev ou genye aswe a? Ou abjwen tout odev ou wè nan meni a. Men, nta konseye nou pran eskago a Layla li bon anpil. So ou panse Jenny? Ou vle eseye eskago a Layla? Ou met komode eskago a poutet pa ou. Men men, ma pran patit fwa pito. Ki don? Eskago pou mesye a epi patit fwa pou madame nan. Se sa. E pa bliye pote divin an non? Divin an ap vin jwen nou tout suite. Ma pran kana ak l'orange la. E ou Jenny, ki sa wap pran kom pla principal? Ma fi eseye somon griye a, men poason ko sel la semble bon tou. Mesye dam, eske nou pare pou komande? E spesyalite chef la swe a, se kok oven. Men nou gen tout lot pla yo ou wè nan meni an tou. Madame mwen apran somon griye ya. Mwen men, mwen apran kana al orange lan. Ok, mwen diven nou gen ta fini. Na pran yon lot boutey? Oui, na pran yon lot boutey nan menm diven ya. Pote yon pot lo pou nou tou, s'il vous plaît. Se pati bon somon nan bon. Mwen pa regret nou te chwazi. E ou menm John, kouman ka la ou la ye? Li tre bon. Ou met goute ri si ou vle. Ou kwen kap manje dese apre tout manje sa yo. Mesye dam, kom dese, nou genyen bon gato fri renverse, pen patat, krem a la glas, epi tat zaman. Ki sa nan pran? Vot mwen plen. M pa nan dese aswe ya. E ou menm Jenny? M pa nan dese non pli. Ma pran yon te ou citron selman pou fini. Tou pote adisyon pou nou, lò ap pote te ou citron pou madame nan. Men te a, epi sa se not l'ajan ou te mande a. Mèsi an pil, paske nou te chwazi Che Gera aswe a. M souwete manje a ak servis la te nan goun nou. Merci l'empile. Manger la te excellent. Ou met kembe monnaie comme pour boire pour bon service ça ou ban nou aswè. Koute epi repete mo sa yo ki gen SK, SL ak SM la dan yo. SK, escadron, escal, escalade, escalade, escalope, escalier, escandale, escandalet, escamp, esquimau, esquise, esquisé, plisqué, SL. Bracelet, asselet, ousselet, SM, bâtissement, cosmétique, cosmos, cosmonaute, osmose, talisman. Yon ti dicté. Koute epi ekri fraz sa yo ki gen SK, SL ak SM la dan yo. Escadron la mort fait escale tout près d'ici. La police a arrêté Asléa puisqu'il volait un bracelet. Bostaya a mis escamp dans le pantalon. Cosmonautio a escaladé un monde sur la ligne. Timouna jeté plat escalope là dans l'escalier. Metla mette tout escandale de yon dans la classe là. Si moun yo fè trop scandale, lè ap jwe osle. Fòk ou dim eskize pou vye prodwi kosmetik sa yo ou achete. Chapit 8. Chapit 8, leson 1. La santé ak l'hygiène se kokot ak figaro. An fè yon ti anatomi. Dialogue. Philippe fait lever dans matin. Il est en retard pour travailler. Roslo dans salle de bain. Philippe mande Roslo pour le faire vite parce qu'elle pressé. On écoute. Chérie, fais vite pour bon salle de bain. On pressé, on besoin aller. Me fait entrer dans salle de bain, oui Philippe. Pour comme même bosser dame. Eh bien, comme en retard. Qui te fait toilette moi en vont Roslo. On commence laver figim, qui t'aime fini. Mais, ou pas te lever pi bonnet? Dormi trompé et puis réveil la pas sonné matin. Comment réveil la pas sonné? C'est pour dire ou t'es oublié mettre à l'âme dans hier soir. C'est pas première fois ça arrive. OK, ou gen raison. Est-ce que ou cap sortir dans salle de bain kounya? M'a ba au salle de bain, mais faut vous faire vite parce que m'pressé tout. Boko même ben. Après ça, faut m'habiller, peigner tête moi et puis maquiller. M'a fait vite, pas inquiété ou. Quand on mette pat là ak la brasoir yo. Pat là sous la vabo a, bon côté bois ça dan yo. La brasoir yo fini depuis hier. Oh oh, bon ki j'aime pral faire bab moi là. Côté rasoir électrique là. M'pa konnen non Philippe, cherchez-le. C'est pas oublié. C'est où qu'on servit avec. OK maman. Ou capote une serviette pour moi? M'a besoin pour me scier comme l'aime fin bien. Ça vous que l'est fini tout. Qui demande pour Philippe? Est-ce que vous possédez donc déjà? Fais vite pour sortir. Ou pas besoin fâcher aux là, presque fini. Me fin savonner. C'est comme ma princesse là. Après ça, m'a bonne peigne tête moi et puis me fini. Philippe, quand on met des savons liquides là, avec tes serviettes, on peut laver figim nan. On te retire yo nan douche là. Mettez yo même côté avec shampoing. Pour qui ça Philippe? Ou quoi me dou ou pas déplacer sa femme? Écoutez et puis répétez mon sa yo qui gen SP, SPR ak ST la dan yo. Espagheti, espanté, espérance, espécial, espéculaté, espéré, espécial, espécialiste, espécialité, espoir, esportif, espoir, S-P-R. Esprit. Esprit. Express. Expression. Esprit. Exprimé. S-T. Estable. Estabilité. Estabilisé. Estade. Estage. Estagiaire. Estaff. Estira. Estéréo. Estoc. Festin. Festivité. Yon ti dikte. Koute et puis écris phrase sa yo ki gen SP, SPR ak ST la dan yo. Espagnol yo espere espagueti ya a bon. Nèg la espanté sou fia ka fè sport toutouni. Sportif yo pat espere pèdi match spécial sa. Staff la organize yon bel festin pou stajè yo. Moun ki nan stage yo tombe fè etc nan stade la. Espekilate yo gen espoir et stok yo pap gade. Espesyalis yo installe yon radio estereo nan aves spasyal la. Fok sityasyon an estabilize pou festivite yo kap bien pase. Leçon D. Problème santé. Qui j'en senti corps? Dialogue. Philippe malade bien grave. Monsieur obligé à l'kay docteur. En nous écouter. Bonjour Philippe. Qui j'en senti corps? Ah, doc, comme pas bon même. M'pas kap ni manger ni boire. Qui ça senti même? Ça fait ou pas kap manger? Hein? Gorge moi tellement fait mal. M'pa kap vale anyen. Lèm force manje ou swa bwen yon bagay, mwen vomil menm kote ya. Eske ou gen diare ak vot fè mal tou? Oui doc. An plis de diare ya, mgen la fièv epi map tousse san rete. Eske ou kon kache san le wap tousse? Se kom si ou te konne dokte. Tous la fè l'estomac mwen fè mal an pil. Philippe, eske ou gen moun nan fami ou ki fè tuberculose? Pa kwen non? Tel moun ki te fè maladi sa, c'était Alex, yon employé nan biro a. Men misye mouri lontan sa. Là ou di lontan, combien temps ou vle di? Doc, Alex gen plis passe 2 ans depuis mouri. So ou pense a, c'est pas ça. Est-ce que Alex te kon travay nan menm biro avè? Oui, men janm dou la, misye mouri lontan sa. N'te en bonne santé tout après le mois Alex là. Qui donc c'est pas qu'à tuberculose moi fait. M'pa jamais dit ou fait tuberculose Philippe. D'ailleurs, m'poko kap di ça ou gagné exactement. Tout autant poko gen résultat analyse m'pa le voyer ou faire yo. M'comprend. Mais quelle autre maladie ou pensez qui kap fèm ap souffri comme ça? Gen plusieurs maladies qui kap la cause yo moun gen la fièvre, diarrhée. Tous ak vomissement. M'pa vle fè yon mauvais diagnostic. Antan rezilta yo. Men docteur, eske ou pense m'pral mouri? Ou kwè se sida m'genye? Non Philippe, m'plis kwè se tuberculose ou fè. Si se sa, ou pa gen problèm. Pou kounya, m'a preskri 3 médicaments. Fòk ou pran yo 3 fois par jour. Le analize yo pare ou atounen vin wèm. D'accord. Qui t'aime courir à la pharmacie pour acheter médicaments? Ok, bye bye Philippe. Nawe, l'autre semaine si Dieu veut. Coutez et puis répétez mot ça yo qui gagne PL, PR et PT là-dedans yo. PL, applicable, applicaté, appliqué, applaudi. Applaudissement, l'appli, éplé, complice, complot, comploté, plat, plan, planifié, plati, plateau, plein, supplié, souplé, PR. apprendre, apprenti, apprentissage, après, apprécier, apprivoiser, exprès, exprès, express, expression, esprit, exprimer, prend, pratique, prêt, prêter, prestation, prix, péter, aptitude, la petite bouche, laptop, la propre taille, la propreté, malpropreté, propreté. Yon ti dikte. Koute et puis écris phrase sa yo ki gen PL, PR ak PT la dan yo. Nous dwe propreté parce que plein malpropreté nan kay la. Apprenti yo gen le tap comploté contre président Bougère. Apprivoise yo pentad mande an pile apprentissage ak bon jan pratik. Li fait exprès choisi exprimer en créole pour étranger ka pa comprendre. Fia a fait la petite bouche. Li pa vle manger plat maï moulin. Est-ce que ou ka propte laptop moyen pour moi s'il vous plaît? Li pa gen l'esprit pour apprendre mathématiques, mais li gen aptitude pour musique. Peuple a été en balapria à applaudir premier ministre là. Leçon 3. La santé c'est richesse. Qui ça pour nous faire pour être en bonne santé? Dialogue. Roselot a parlé à Zamil Malène qui a bali bon gens conseil sur façon pour rester en forme. On nous écoute. Malène petite, pas sentiment forme même non. Depuis l'aime fin faire petite là, comment changer net. Toujours fatigué et puis moi m'a grossi sérieusement. C'est vrai oui. Ou prend pile poids. Faut comment aérer les sous-corps oui ma chère. Qui ça pour me faire? Ça fait une forme comme ça. Bon secret à non ma chère. M'a dit où ça pour faire. Mais si ou pas gain discipline, ça pa mache. M'a fait tout possible moi pour m'aider sobral di mieux en pratique. Est-ce qu'on dormi pendant au moins 8 heures temps chaque jour? Malène marche. M'a besoin bon menti. M'a dormi tout temps ça. Eh bien, faut qu'on corrige ça. Et puis faut qu'on suspende fumer. Ça va pas bon pour la santé. Est-ce qu'on toujours manger les matins? Qui sont manger? M'a toujours prendre déjeuner. Mais l'aime prend c'est pain ak zèm manger. Ou pa dwe jam rate déjeuner. C'est repas qui pi important dans journée. Toujours manger en pile fruit le matin. Est-ce qu'on prend pile liquide? Mais oui. Bois en pile café ak divin. M'konn boire bière tout parfois. Ou ta dwe boire moins café ak alcool. C'est café qui fait ou pa ka dormi le soir. Et puis trop divin pas bon pour la santé. C'est de l'eau pour plus boire. D'accord. Et pour causer exercice là même. Ça va penser me faire là. Bien mais jouer volleyball. Même pas gain temps. C'est on l'air comme ça me jouer. Non Oslo. Si vous voulez perdre du poids, faut que vous fassiez sport régulièrement. Si vous pas ca jouer volleyball, ou ta doit faire exercice au moins 5 fois dans semaine là. 5 fois? Ou quelle fou Malène? Quand même gain temps. Ou pas besoin pile temps. 30 minutes chaque jour t'as supposé assez pour permettre ou perdre du poids. C'est pas valer temps passé à faire espoir qui compte. C'est quantité fois ou fait l'an dans semaine qui est important. Ah, je comprends. Mais est-ce que vraiment quoi ça a marché pour moi? Oui, Oslo. Dès pour faire samedi ou yo, non seulement ou perdre du poids, ou fin senti ou vin pi en forme, toute fatigue a volé gage. OK. Dès pour dim. M'quoi parce qu'on vit une belle et on semble en bonne santé. Écoutez et puis répétez mon saillot qui gagne TR à TL là-dedans. TR attraction, attrape, attribut, attribution, batterie, châtré, étranger, patra, 80, matrice, portrait, rétréci, cintré, tranquille, trempé, travail, train, tribulation, TL, atlas, athlète, athlétique, matelas, matelot, matelote, matelotaille. Yon ti dikte. Koute epi ekri fraz sa yo ki gen TR ak TL la dan yo. Etranje yo pa jom jete fatra nan tren. Gen 80 atlet nan pak atraksyon. Li kouri atrap batriya pou l pa tombe. Kounye a se traka ak tribilasyon tout patou. Matloa ap travay bien tranquil sou batoa. Matris li vin ratresi le yo te chatrel la. Li fin trempe vyen nan a 4:40. Li atrap diria epi la manje potre yon moun ki sot nan prizon. Yon reklam pou yon medikaman kont la grip. Ou pa santi ou an form? Ou gen doule soti nan pi rive jouk nan tèt? Ou gen mal tèt? Mal do ak la fièv? Ou pa kavale anyen paske gòj ou ap fò mal? Ou santi ou feb? Ou ap tousè epi eternye tout la sen jounen? La rim ap koule nan non tankou la rivye kap desann? Se gripo ou gripe. Ou pa bezwen pèdi tan ou al ka dokte. La gripam ap mete ou kanpe sou de pye militer an detan 3 mouvman. La gripam se yon medikaman ki bon pou tout sintom la grip. Ou pa bezwen preskripsyon pou achete la gripam. Li pa koute chè epi ou ap jwenn li nan tout famasi. Pren la gripam jodi, leve tout nef demen. La gripam se medikaman pan. Leçon 4. Veillez la mort. Ouais pas ouais, l'enterrement pour 4. Dialogue. Roselon a parlé avec papa Charles, qui a fait l'enterrement Philippe. Roselon, petit moi, prends courage, attendez. À qui la Philippe mourit exactement? L'hélicon s'est trépassé à. Il te fait 2h30 comme ça. Mais c'est à 3h il mourit. Qui sa docteur a dit qu'il a cause la mort? Semblait cette infection il te fait dans poumon qui te vienne plus grave. Faut parler de cause l'enterrement oui Roselo. Comment on fait ça là même? Philippe t'a toujours dit l'elle mourit c'est au caillou enterrer parce que c'est là il te fait. Mwen kwa fon ta fè pou te kadav la, okay, demen si ti vle. Ok, nap fè sa. Men eske nap fè veye a okay tou? Mwen se l tap bon pou n fè tout bagay okay pou evite depanse trop l'ajan. Mwen pou al telefone pe Maxime pou mandel si vle chante l'enterrement pou nou. Eske ou kon ki pomp finè wap bay okipe zafè l'enterrement? De kontakte pomp funèb Jerizalem. Semble yo bay bon servis. De wè kòbya yo nan la kou pomp funèb la. Yo byen bèl. Epi yo di ap fèm jwenn sekèy tou. Ki moun ki pral nan semitsè a pou regle koze tòm nan pou? Tout sa nan lis bagay pomp funèb la ap regle. Se yo menm k'ap fè netwaye kote tòm nan ye a nan semitsè a. Y ap pentire tòm nan epi y ap fè gravi non Philippe ak lòt enfòmasyon yo nan map ki pral koule nan tèt kavò. Se byen ma chè. Mwen mal gwo an dey ou gen tout bagay sou kontrol. Eh bien, papa, m'oblige. Se mwen te madan Filip. Se mwen pou fè lantèman. Nan ki l'eglise ou panse nou ta dwe chante lantèman? Pito ou chante nan l'eglise sakre ke. Paske se la pe Max ki map travay, epi l'eglise sa apre semitse a ak pom fineble. Dako. Kon sa, moun nan kotej la pap mache trop pou yal nan semitye a. Se sa, pitit mwen. Koute epi repete mou sa yo ki gen VL, VR ak VN la dan yo. VL. Envlimen, envelop, devlope, devlopman, vle, vlen, vlope, vlou, VR, envrak, kouvri, louvri, ouvrab, ouvraj, ouvri boite, ouvriye, vre, VN, avni, Devni, l'avni. Yon ti dikte. Koute epi ekri fraz sa yo ki gen VL, VR ak VN la dan yo. Ouvriye a kouvri kanapé ak yon bel mosou vlo. Mbezwen yon ouvri boat pou mlouvri boat let la. Li vlope liv la epi li metel nan yon gwo anvlop. Yo pa vle kouvri chodyer. Lendi ak madi se jou ouvrab yo ye. Sa wap devini demen se bagay ki gade yo. Tout boutik nan avenir louvri. Yo di ap fè devlopman, poutan, sityasyon ap anvlimen chak jou.